Extrêmement ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr. Et si la réciproque est vraie, vous pouvez évidemment retrouver aussi l'Asile sur son blog asile35.blogspot.fr. Et on attaque la sélection de cette semaine en fanfare avec un combo formé en Angleterre en 2003 qui manie à merveille le jazz matiné de punk, le jazz rock et l'avant Schronk, comme on dit du côté de la perfide Albion. Il s'agit du groupe du batteur Marc Holub en compagnie de ses camarades, les deux saxophonistes alto et contrebassiste et claviériste. Le combo Led Bib qui a déjà sorti 5 opus à ce jour et qui reviennent le mois prochain chez Cuneiform avec pas moins de 2 nouvelles galettes. Un CD qui porte le titre de The People in Your Neighborhood et un LP en édition assez limitée, il devait y avoir 500 ou 1000 exemplaires de ce The Good Egg. Donc tous deux sont à paraître à la mi-mai, mais ce soir je propose d'écouter un avant-goût de ces deux nouveaux opus de Led Bib avec un extrait de The People in the Neighborhood. Wood, le temps de caler cet album et on démarre donc avec le titre de Led Bib qui va démarrer tout de suite. Donc j'avais prévu de passer un autre extrait de Led Bib au départ de leur précédent album qui était sorti en 2011, Bring Your Own, toujours chez Cuneiform, car il est vrai que l'Asile le plus sûr est aussi l'antichambre de ce fameux label de Silver Spring. On écoute donc ce titre The People in Your Neighborhood. C'est parti tout de suite par Led Bib. Thank you. démarrage tonitruant pour l'émission de cette semaine de l'Asile le plus sûr avec tout d'abord le combo britannique, je crois qu'ils sont de Leeds, le fameux groupe Led Bib, le combo de monsieur Mark Holub. Voilà, j'avais prévu de vous passer un extrait de leur dernier album qui était sorti en 2011, Bring On, mais bien évidemment cet album est resté à la maison, donc on s'est rabattu avec un titre extrait de leur tout nouvel opus The People in Your Neighborhood, pas encore sorti à ce jour, il sort le mois prochain chez Cuneiform. Donc excellent projet qui mélange jazz et rock, mais sans guitare, avec deux sax, beaucoup de claviers, des claviers à foison pour Led Bib. Et c'est un projet qui a plutôt l'habitude aussi de faire les couvertures des magazines de jazz de l'autre côté de la Manche, notamment le magazine Jazz Wise leur avait consacré une cover, une de leurs couvertures il y a de ça 2-3 ans, et je crois qu'ils ont récidivé ce printemps à l'occasion de la sortie de cet album qui est accompagné par un deuxième en édition limitée sous le nom de The Good Egg. Voilà, vous savez tout pour Led Bib, et juste après un peu de guitare pour faire bonne mesure, celle de monsieur Frank Garcia alias Frank Gaffer, ou encore Sheik Anorak pour le projet qu'on écoutait. Sheik Anorak et son tout nouvel album Keep Your Hands Low qui est sorti sur son propre label Gaffer Records. Donc Sheik Anorak, ou monsieur Frank Gaffer, qui d'ailleurs a joué lui aussi avec le batteur de Led Bib, Mark Holub, je crois que c'était avec le saxophoniste Colin Webster, ils avaient pas mal tourné tous les trois. Et donc Frank Gaffer qui déboule avec un second album qui fait suite à celui qu'il avait sorti en 2010 sous le nom de Day One. Assez peu prolifique monsieur Frank Garcia pour ce projet Sheik Anorak, qui existe pourtant depuis une bonne douzaine d'années. Donc projet exclusivement solo où il fait à peu près tout, guitare et batterie. On y retrouve juste sa petite camarade Mathilde Spiri à la voix sur quelques pièces, qui est une personne avec qui il officie au sein des Socrates. Voilà donc un disque plutôt pas mal, ce Keep Your Hand Low, plutôt dans un registre pop noise pour ce nouvel opus de Sheik Anorak. On continue avec une songwriteuse de l'autre côté de l'Atlantique, originaire de Virginie très exactement. Elle s'appelle Diane Cluck et je la découvre avec ce mini-album Bonne Set, publié par le label Important Records. Et pourtant elle avait déjà sorti un certain nombre de choses en 33 tours EP, CDR, mais tout ça avec un tirage plutôt confidentiel pour sa folk intuitive. En tout cas, c'est comme ça qu'elle intitule la musique qu'elle pratique. Apparemment, donc, c'est une musicienne qui faisait pas mal d'expérimentation et d'improvisation et du folk assez brut précédemment, et apparemment donc elle a pris un tournant un peu plus polissé ces dernières années. Sa musique est toujours assez rugueuse, ce qui n'est pas pour me déplaire, et je trouve que ce disque est plutôt plus original que le tout dernier Marissa Nadler par exemple, qui est sorti il y a peu. Sinon on pense aussi beaucoup avec Madame Diane Cluck à Joni Mitchell et autres Joanna Newsom, ou encore au disque que produisait Josephine Foster dans ses débuts pour le côté pastoral et pour le moins inventif. On écoute un extrait de ce Bonne Set de Diane Cluck, le titre Content to Reform. My mind keeps my corporal self subordinate, in answer it withers away. And I was a room and I had thick walls, kicking down until everything falls. They're fixing me up as I wander the halls. Oh, will I be back here again? And I die and I die, discarding my skulls, crushed into powder and spun into balls, made into mortar for plugging up holes, content to reform and break again. I die and I die, sloughing off cells. Sea creatures crawl from out crowded shells, clappers fall out from big rusty bells. Everything spends out its day and then its content will reform until it breaks again. I die and I die, discarding my skulls, crushed into powder and spun into balls, made into mortar for plugging up holes, content to reform and break again. I die and I die, sloughing off cells. Sea creatures crawl from out crowded shells, clappers fall out from big rusty bells. Everything spends out its day and then its content will reform until it breaks again. Une petite triplette de folk dans la stratosphère qui a démarré avec le savoureux album de Madame Diane Cluck. C'est L-U-C-K et son album Bonne Set qui est paru il y a peu sur Important Records. Important Records qui a une production toujours assez régulière, même si on passe un peu moins régulièrement de leur production. Et donc ce très bel album de cette songwriter de Virginie, album assez court, je crois qu'il fait une petite demi-heure, mais plutôt très chouette, donc avec des cordes, avec du piano et un folk assez rural et assez brut, qui était enchaîné avec le nouvel album de The Nels Klein Singers. Monsieur Nels Klein, guitariste de son état, qui se prenait pour Robert Wyatt sur le titre de cet album Macroscope. C'était le titre éponyme d'ailleurs du nouvel opus du guitariste californien émérite, ex-membre de Wilco, des Geraldine Fibers et autres projets de Carla Bozulich, et pas mal d'autres choses dans la tambouille jazz contemporain rock aventureux. Il s'agit de son cinquième album avec ce projet donc aux côtés du bassiste Devin Hoff et du batteur Scott Amendola sous le nom de The Nels Klein Singers, qui comporte quelques invités cette fois-ci, notamment la participation de monsieur Trevor Dunne à la basse. Pas très étonnant qu'ils se fréquentent ces deux-là. Il y a aussi la harpiste Zina Parkins, le percussionniste Ciro Battista et quelques autres pour cet album qui est sans doute le disque le plus accessible à ce jour de cette formation, mais avec quand même pas mal de soli très très inventifs à la guitare et des mélanges hard bop et métal, voire même de la bossa sur quelques titres. C'est plutôt intelligent et bien foutu, même si ça n'est pas extrêmement novateur. C'est pas très très nouveau sous le soleil de Californie, cet album Macroscope de The Nels Klein Singers, mais il s'écoute plutôt assez agréablement. Et le troisième titre qu'on écoutait juste à l'instant émanait du dernier album de la formation Horseback. L'album s'intitule Piémonte Apocrypha. C'est sorti chez Three Lobed Recordings en vinyle à la fin du mois de mars. Il s'agit du projet originaire de Caroline du Nord du guitariste électrique Jenks Miller, qui lui officie plutôt dans le registre psychédélique expérimental, comme vous avez pu vous en rendre compte, à base de tambouille folk et d'électroacoustique. Et il s'agit d'un projet que je découvre avec cet opus donc Piémonte Apocrypha, même si Horseback existe depuis une bonne dizaine d'années avec des CD, des 33 tours, notamment chez Relapse Records. Il y a aussi eu des cassettes en tirage assez confidentiel, ainsi que des splits, notamment aux côtés de Locrian, le projet expérimental drone de l'Illinois. C'était un split qui était sorti sur le label de New York, Utech Records. Bref, un groupe dans lequel il faut s'immerger de toute urgence, ce Horseback. Ce qu'on pourra faire par exemple avec une compilation triple CD qui était sorti chez le label Relapse l'an dernier, un florilège sous le titre E. Plague of Knowing. Voilà, on va continuer avec toute autre chose et le retour des frangins argentins les plus célèbres. J'ai nommé messieurs César et Mauricio Momo Amarante, alias les Radical Satan, qui sont de retour pour une session en concert cette semaine à Rennes, dans une soirée organisée par l'association Interzone ce vendredi 11 avril. Les Radical Satan et leur tambouille de tango industriel pour le moins possédé qui se produiront à la Maison de la Grève. Alors la Maison de la Grève, pour ceux qui l'ignorent, c'est un squat et c'est situé au 37 rue Le Craveran, pas très loin de la place Sainte-Anne à Rennes. Les Radical Satan qui joueront dans cette soirée en prix libre aux côtés d'un autre projet bordelais, projet de jeunes musiciens qui pratiquent une sorte de folk noise sous le nom de Sleepy John Corbeck. Voilà, vous avez plus d'informations en allant sur le site interzoneaupluriel.free.fr. Et je voulais vous proposer ce soir le dernier disque en date des Radical Satan. Je crois qu'ils n'ont pas sorti d'autre chose depuis ce brillantissime album de 2012 sous le titre El Incendio que se llevó la ciudad. Je crois que j'avais pas eu vraiment l'occasion de vous proposer non plus cet album. Pourtant, on les avait vus à l'époque de la sortie de cet album pour une session en concert qui était particulièrement enthousiasmante. On écoute le titre Gris-Gris par les Radical Satan. We'll be right back. Une séquence de trois titres enchaînés qui a démarré avec les plus tragédiens des Argentins, les Radical Satan, Mauricio et César Amarante, et leur incendie qui soulève la ville, disque autoproduit et publié en 2012, leur dernier album à ce jour. Les Radical Satan qui seront en concert cette semaine à Rennes, ce sera vendredi prochain, le 11 avril, avec dans la même soirée les Sleepy John Corbeck. Plus d'informations en allant sur le site interzone.free.fr. Ça se produira donc à la Maison de la Grève au 37 rue Le Graveran à Rennes. Et les Radical Satan étaient enchaînés avec un musicien que je découvre avec cet album, je découvre sa musique en solo. Il s'agit de monsieur Cohen Holcamp, connu comme l'un des deux musiciens du projet Ambient Drone Mountains, assez connu pour avoir produit pas mal de choses sur le label de Chicago, Street Jockey, notamment en 2013 l'album Centralia, ou encore le Mountains. Et donc Cohen Holcamp a aussi une production en solo, notamment sur le même label Street Jockey, et donc avec cet album Motion. Donc il propose une musique plutôt de synthétiseurs et différents sons produits par émulateur via son ordinateur. Et c'est une musique plutôt assez réussie. Le monsieur est plutôt assez fortiche, parce qu'il réussit le tour de force de nous en foutre plein dans la vue en 2h15 sans arriver à être pénible. Donc cet album Motion est en effet accompagné par un CD d'Extended Release qui compile des titres sortis en vinyle only entre 2008 et 2013. Donc un double album fleuve pour ce Cohen Holcamp, qui produit donc une musique assez dans l'air du temps, des mélanges d'arpeggio, de synthétiseurs et des sons assez new age, mais c'est plutôt fort réussi au niveau des textures, ce qui n'est pas toujours le cas de la plupart de ses contemporains. Donc un album assez recommandable de Cohen Holcamp sous le titre Motion. Et le troisième titre enchaîné qu'on écoutait juste à l'instant provenait d'un album de Pascal Comelade de 1982, l'album Sentimientos, qui était sorti sur le label de William Sharp des Mnemolists et autres Biota, le label DYS. Et c'était un album où figurait notamment David Cunningham, James Joyce, Sissi à la voix, Eric Satie, Brian Eno, Bizet, bref, le patchwork habituel de monsieur Comelade, qui jouait quasiment tout, depuis le piano, jouait ou pas jouait, l'orgue jusqu'au sax en plastique, ou encore le synthétiseur de marque EMS. Et je vous proposais cet album Sentimientos de Pascal Comelade à l'occasion de la sortie d'un quintuple vinyle sur le label allemand Vinyl On Demand sous le nom de Degeneration Electronics, qui compile la plupart de ses œuvres entre 1974 et 1983, donc depuis son solo Fluence et autres disques produits en édition assez rare. Pascal Comelade et ce coffret donc publié dans la série un peu synthétiseur New Eve et Tutti Quanti du label allemand Vinyl en demande. On continue avec tout autre chose, il s'agit là de pièces de collage assez incroyables produite par le mix band philanthropiste entre 1984 et 1986. Le mix band philanthropiste qui était le projet des membres de The New Blockaders, les Britanniques Philippe et Richard Rupenus, donc un side project pour ces deux lascars entre musique concrète et collage. Ils recyclaient les bons morceaux de leurs collègues Nurse Quifound, Organum, Andrew Schulk, étant donné Ashnaz, P16, D4, Smekma et autres Merzbo sur cette galette sortie à l'époque sur le label Selection en 1987 sous le titre The Impossible Humane, qui vient d'être réédité sur étiquette Stop Gold, le label basé à Perpignan de monsieur Marcus Detmer, et c'est une réédition augmentée de trois titres supplémentaires, leur 45 tours qui était sorti chez Hypnagogia, ainsi qu'un morceau qui figurait sur une cassette du magazine Bad Alchemy. Je propose d'écouter un extrait de ce collage de musique concrète par le mix band philanthropiste. Thank you. just watch you go dancing by, wrapped in the arms of somebody else. When darling, it's I. My head was hurting. A big bruise. That's what I've got in my head. My head was hurting. A big bruise. That's what I've got in my head. My head was hurting. A big bruise. That's what I've got in my head. Oh, Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr avec une séquence de musique pour faire peur ou pour réveiller nos cages à miel. Tout d'abord, des collages de musique concrète assez excellents qui dataient d'il y a 25-30 ans, milieu des années 80, par le Mixed Band Philanthropiste, donc un side project des New Blockaders, deux furieux de la musique industrielle britannique qui s'étaient fendus de cet album sur le label Selection à l'époque, qui vient de revoir le jour grâce aux bons soins du label Stop Gold. Et le Mixed Band Philanthropiste était enchaîné avec le Misery Lares, un disque solo double du compositeur électroacoustique originaire de Palerme, Valerio Tricoli, qu'on connaît ou qu'on a connu en tant que membre de la formation aujourd'hui défunte Three Quarter Had Been Eliminated. Il a aussi collaboré aux côtés de nombreux musiciens tels que Dean Roberts de Autistic Daughters ou encore le sax expérimental Thomas Anker-Smith. Misery Lares, qui est un disque qui mélange des structures électroacoustiques à base de sons trouvés et triturés, ainsi que des textes de Dante Lovecraft et Émile Cioran, ou encore les propres écrits de Monsieur Tricoli. Donc un disque pour le moins ambitieux et plutôt assez abouti, qui va sortir à la fin du mois d'avril sur le label de Bill Couligas, Panact, qui n'est pas avare en galette depuis quelques 6 mois, 1 an, avec une production donc assez éclectique et prolifique. Voilà, on va continuer avec une séquence de jazz free et improvisé, et la musique de monsieur Jack Wright, saxophoniste, en compagnie de son fils Ben. Il s'agit d'un album qu'ils ont sorti ensemble sur le label Relative Pitch en CD sous le titre, très beau titre d'album d'ailleurs, As If Anything Could Be The Same. Donc Jack Wright, qui est un sax vétéran du free jazz de la troisième génération, on pourrait dire, celle qui a émergé à la fin des années 70. Il est surtout connu pour son travail sur le souffle et les multiphonies, notamment aux côtés de Bob Rainey, et avec son fils, bien évidemment, une musique fortement télépathique et qui explore les idiomes du jazz contemporain, comme on va pouvoir s'en rendre compte avec cet extrait par messieurs Jack et Ben Wright. Oh, Thank you. bonne séquence de jazz libre ou de jazz free sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr, qui a démarré avec tout d'abord messieurs Jack et Ben Wright, père et fils, et l'album As If Anything Could Be The Same, sorti en CD il y a peu sur Relative Pitch, donc duo saxophone contrebasse extrêmement inspiré et inspirant, qui était enchaîné avec le nouvel album de la formation britannique Bad Land qui s'intitule Six Height Windows, sorti sur le label Bug Incision. La formation Bad Land qui existe depuis le milieu des années 2000, qui est constituée du saxophoniste Simon Rose, du contrebassiste Simon H. Fell et du batteur Steve Noble, qu'on ne présente plus pour les auditeurs de Canal B, puisque je crois que c'est à peu près une fois tous les 15 jours que je passe un disque sur lequel figure ce musicien et percussionniste d'exception. La semaine dernière, on écoutait sa formation N.I.W. Avec un disque sorti sur le label Dancing Weiyang. Et donc là, cette semaine, c'est Bad Land, cette formation donc qui vient de sortir, je crois que c'était à l'automne dernier, le disque Six High Windows. Simon Eiffel, qui est connu comme producteur du label Bruce Fingers, avait sorti leur précédent opus, si je ne m'abuse, quant à Bug Incision. Il a également sorti un disque de Jack et Ben Wright en compagnie de monsieur Nate Woolley, comme quoi tout se recoupe dans l'asile le plus sûr. Voilà, je voulais vous signaler une annonce concert aussi pour ce samedi 12 avril au Barrick, avec une lame de fond qui vous est proposée par les camarades de l'association Cafuel, qui programme pas moins de 3 formations. Une formation noise britannique qui répond au nom de Silent Front, du rock bruyant finnois sous le nom de Baxter Stockman, donc deux formations que j'ai pas du tout écoutées. Il y a possibilité évidemment d'écouter ça sur les bandcamp respectifs de ces deux groupes, et joueront en compagnie d'un groupe français de Reims qui répond au nom de Harpon, donc la musique des grands fonds selon l'association Cafuel. Plus d'informations sur le site cafuel.org. L'entrée est à 6€ pour ce concert du Barrick du samedi 12, qui se terminera évidemment par les DJ de l'écurie Cafuel. Voilà, on va se quitter avec un dernier disque. Je voulais aussi vous signaler la possibilité de réécouter cette même émission sur son blog asile.blogspot.fr, avec possibilité d'envoyer des commentaires et aussi d'écouter cette émission en streaming sur le mixcloud.com/renman. Voilà, on va se terminer avec un dernier disque plutôt de field recordings et une musique ambiante électroacoustique que produit madame Anne Guthrie, qui est une artiste sonore originaire du Minnesota, mais qui, je pense, habite à New York, comme tout un chacun. Anne Guthrie, qui est aussi une joueuse de cor, enfin, c'est plutôt sa formation initiale, c'est qu'elle est instrumentiste, joueuse de French horn, donc le cor, non pas anglais de chasse, mais français. Et donc, elle mélange ses improvisations au corps avec des field recordings pour produire une musique plutôt très très chouette à l'image de son dernier album sorti sur le label Students of Decay sous le titre Codiaeum Variegatum. En latin dans le texte, on écoute donc pour conclure l'émission de cette semaine le titre Branching Low and Spreading par Anne Guthrie. Je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine.